océan bleu profond, noir et scintillant, tel un oiseau elle flotte dans le firmament. De ses sens en éveil, le sixième éternel, guide l'ange marin, porté par ses ailes. Move on, that's true. Kill the fear.